Bonjour, bonjour. Cargo tout tranquille. Et on oubliait même son générique. Ben non, il est là. Oh non mais, nos cornes de brume, quand même. Merci d'être avec nous aujourd'hui, amis du monde et d'ailleurs, sur Pinode, sur l'espace et la Terre comme au ciel, dans l'underground, dans l'overground et dans tout ce qui est au milieu ou au travers. J'étais très très heureux. Vous avez plébiscité. Ah ben, ça va être dur sur les P aujourd'hui, mais on va quand même le faire. Donc j'étais très heureux que vous ayez été heureux des deux rediffusions très très 70s qui avaient constitué les deux derniers programmes de Cargo Cult sur Pinode. Alors, faut dire qu'on tapait sur du gros. Le Trout Mask réplica de Captain Beefheart, ça, nul doute qu'on est quand même sur un pavé du culte. Et quant à ce qui était peut-être l'opposé d'un disque comme Trout Mask réplica, et puis à l'opposé de peut-être de l'importance historique de ça, Tiny Tim et son infamous God Bless Tiny Tim, mais qui était tout aussi remarquable aussi. Alors là, je prends la tangente, et puis alors je dors, mais j'ai envie de dire en terrain familier. Et disons-le de go, on va être techno, plein pot. Puis alors vraiment, là, une techno sans équivoque. Hein. La techno, celle qui est faite pour mettre sur le dance floor, et celle qui est faite pour vous laisser sur le dance floor, et vous y lessiver pendant 8 heures d'affilée, ou même 24 heures aujourd'hui, au Bergheim ou ailleurs. Place donc à un grand classique de la techno européenne. C'est la première fois qu'on va parler d'un vrai truc de techno européenne. À part dire ici que le truc est né à Détroit, évidemment. Mais l'extension européenne va faire que toute la dimension de la techno, c'est là qu'elle va se faire. Et notamment à travers l'artiste dont on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas le seul. Mais celui-ci est de taille. Surgeon. Le chirurgien de la techno. Surgeon. Anthony Child, de son vrai nom. Alors, ce pseudo, d'ailleurs, le Surgeon, il l'a hérité de la presse anglaise, hein, qui tout content de dégoter au milieu des années 90, à partir de 95, un petit génie en herbe de la techno et du DJing, notait effectivement cette précision chirurgicale du jeune homme dans ses actes. Et ben voilà, tout de go, le pseudonyme était donné et pouvait devenir un patronyme pour la quasi-éternité de Surgeon. Parce que Surgeon est encore là, évidemment. Alors, bah, retour aux sources avec, non pas le premier album de Surgeon, mais son deuxième, qui fait un petit peu office de premier album dans une trilogie que je vais un peu raconter aujourd'hui. Voilà. Sans doute le meilleur DJ techno au monde. C'est ce que disait Fact Magazine en 2015 ou 2016. Bon, voilà. Alors, au jeu des meilleurs DJ du monde, ou des sans doute meilleurs DJ du monde, évidemment, il y a compétition. Et je ne vais pas là dire oui, c'est le meilleur DJ du monde. Mais attention, c'est quand même un sacré morceau, et surtout un bonhomme très très important. La techno de Surgeon, c'est le minimalisme même de la techno. Et finalement, c'est la réponse toute britannique au style déjà éprouvé et extrêmement remarquable qu'a pu initier un Robert Hood à Détroit. Robert Hood, un des trois membres fondateurs de Underground Resistance. Au trio d'Underground Resistance, effectivement, on comptait aussi Jeff Mills. Jeff Mills est clairement aussi une influence de Surgeon. Donc on se situe dans cette techno-là. Celle qui, elle rentre dedans. Alors elle rentre dedans, mais ça ne veut pas dire qu'elle manque de finesse. C'est là où, justement, les gens que je viens de citer peuvent se démarquer, finalement, d'un tout venant un petit peu trop martial. Un, il y a du groove. Deux, il y a de la subtilité. Et puis, Surgeon va montrer ce que pas tant de gens, à l'époque, arrivent à faire. C'est que, il était très carré dans ses mix, et puis il pouvait imposer aussi des 12 inches, donc des maxi absolument saisissants. Mais il savait aussi composer en album. Et laisser de l'ambiance se faire, laisser quelques bruits abscons un petit peu composer des paysages, quand bien même ceux-ci sont plutôt arides, post-industriels et plutôt gris, et pas tout à fait ensoleillés. Pour cause, on est en Angleterre, on est au cœur de cette Angleterre des années 90, l'acid house est passé par là, mais globalement elle s'ennuie, et là on est à Birmingham, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'épicentre de la branchétude du nord de l'Angleterre, On n'est pas même à Sheffield où le label Warp s'exprime à qui même mieux, on n'est pas encore moins à Londres. Néanmoins, Birmingham Gam est loin d'être un trou perdu. C'est même une scène qui, justement, parce qu'elle n'est pas totalement rattachée aux autres, s'est démarquée assez vite. Et ça, dans la house, dans les sound systems, dans les free parties, dans le dub et cette espèce de reggae de deuxième génération via sound system, et donc la musique électronique pure et dure, la techno. Probablement grâce aux fédérations qu'on pouvait trouver là, c'est-à-dire il suffit d'un ou deux labels en général ou d'une boîte pour faire le truc. Le label important à Birmingham, c'est Downworlds. Et Downworlds va faire ses armes, enfin Surgeon va faire ses armes sur Downworlds. Et au même moment, il va être aussi l'un des piliers d'un club extrêmement important en Angleterre. Et pourtant pas le plus connu, mais un club vraiment, vraiment extrêmement important, dont le nom à lui tout seul fait rêver et totalement rempli d'ironie. Le nom de ce club, c'est le House of God. La maison de Dieu. Oui, pas moins. Et je me permets de traduire comme il y a même tout le monde avait compris. Et croyez-moi que dans cette maison, il s'en est passé des choses, il s'en est passé du monde. Notamment, effectivement, grâce à Surgeon. Alors, à Birmingham, bah, effectivement, le label Downworld, c'est l'archétype de cette techno post-industrielle, mais les pieds dans la danse, très très soutenu. Et le premier album de Surgeon va être laissé là. Mais très peu de temps après, Surgeon, tout en restant un DJ très britannique, va devenir un DJ allemand. Alors je m'explique. Et c'est là qu'il y a un tour de force intéressant, et c'est là que finalement Surgeon va devenir un pivot assez fort. Pivot va... pas Bernard Pivot, non. Surgeon va rejoindre l'équipe assez fondamentale du club Trésor à Berlin. Le club Trésor et le label du même nom, Trésor, est évidemment fondé par la même équipe. Au milieu des années 90, c'est la plateforme totalement indispensable de la techno en Europe, et c'est probablement la correspondance la plus directe et la plus affiliée avec la techno de Détroit. Plein d'artistes de Détroit laissent déjà des choses là. Carl Craig signe chez Trésor, Jeff Mills signe chez Trésor. Donc Surgeon va le faire, et l'album qu'on va écouter aujourd'hui, Basic Tonal Vocabulary, bah alors, c'est un mot valise, c'est-à-dire qu'il faut l'écouter, il faut l'entendre, Basic Tonal Vocabulary, ça s'écrit en un seul mot. Et va être le premier d'un triptyque qui va sortir sur le label donc allemand Trésor, 97, 98, 99. Voilà. Alors évidemment, quand ils sortent à l'époque, on n'a pas du tout la notion de cette continuité, de cette trinité que va devenir finalement les trois albums que je nomme maintenant. Donc après Basic Tonal Vocabulary, bah, arrive Balance, et puis au finish, Force plus Form. La force et la forme. Allez, tout est dit, hein. Et c'est exactement ce que vous allez ressentir à l'écoute de Anthony Charles Akas, Surgeon. Alors pour autant, Surgeon fait partie de ces gens connus et pas connus. Respectés mais aussi dans l'ombre. Presque un classique, je dirais, de la techno. Et en même temps, quand il sort de l'ombre, c'est assez amusant, mais ça j'en parlerai en deuxième partie de programme. Surgeon fait notamment l'introduction du show de Lady Gaga au milieu des années 2010. Quoi. Et sans trahir la techno originelle dont il est devenu finalement un étendard, quoi. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, en 1997, effectivement, on est loin de ces fastes-là. Anthony Child est encore assez jeune, mais incontestablement doué. Et ça, bah, toutes les forces techno se tournent vers lui. Je le répète, donc, le label Trésor, qui va donc signer l'album du jour. Au même moment, bah, Surgeon va tenir une résidence au club Trésor. Donc, il pique poil dedans. Ce qu'il faut noter, c'est que, quand bien même Surgeon et sa techno sont affiliés très directement à la techno de Détroit, et donc je nommais un petit peu deux des gros zélateurs de cette techno assez forte, à la fois forte et minimale, c'est-à-dire Robert Hood, ou encore Jeff Mills, il y a quand même chez Anthony Schall, et là pour le peu c'est quelque chose de très anglais, quelque chose qui colle aussi à l'EBM, à l'Electro Body Music, à la musique industrielle qui, elle, a germé en Angleterre. Et justement, ce n'est pas tout à fait un hasard, dans des coins peut-être encore plus perdus de l'Angleterre, Bellingham, autour de Bellingham, ou au nord, mais de l'Angleterre. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, tout comme des jeux d'inspiration volontaire ou pas, de collage, un petit peu hérité de la musique concrète, ça. Et c'est intéressant parce que tout le monde ne le fait pas, tout le monde ne pense pas à ça au milieu des années 90, sur ce truc-là. Ça deviendra une rigueur du style assez éprouvée par la suite, certes, mais pas tant que ça à ce moment-là, quoi. Le style, le son de Sir John sont quand même assez remarquables, c'est-à-dire que le groove est très sec, mais c'est un groove quand même. Il y a une constante architecture de la tension. Les riffs de synthé sont totalement agressifs, mais en même temps ouverts. Et puis, ils vont s'acheminer là-dessus, et ça, c'est super emprunté à Robert Hood, des hi-hats, donc les Charleston, qui cheminent comme ça, mais comme sur un espèce de fil électrique, quoi, avec des petits piquants sous les pattes, quoi. Il y a quelque chose comme ça d'extrêmement physique, d'extrêmement sensuel, mais aussi un peu piquant, ouais, quasi douloureux. Et c'est remarquable de voir que ce son vieillit extrêmement bien. C'est même pas qu'il vieillisse bien, c'est que ce son va en fait créer le son qu'on danse dans les clubs techno les plus féroces aujourd'hui. Je mentionnais le Berghain, c'est exactement le cas. Et on danse sur ça aujourd'hui. Et comme Sir John est toujours un petit peu dans la place, plus qu'un peu d'ailleurs, il fait toujours des titres, il est totalement d'actualité avec le son du moment, et il en est même un des constructeurs, quoi. Ah. Il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur un disque aussi fondamental que celui-là, c'est-à-dire que tout est dans le son, tout est dans l'humeur, tout est dans la danse ou la non-danse. Donc je vous laisse dessus, et surtout sur cette époque-là, en essayant peut-être de vous faire comprendre à quel point finalement cette époque-là, elle va ensemencer les autres. Et ça, insistons sur le fait que c'est pas seulement grâce à Sir John, ça va de soi. Mais voilà, il fallait une forme d'épicentre européen qui pouvait être finalement une figure de passage. La qualité de Sir John, c'est que c'est... Voilà, il posait pas dans les magazines, il frimait pas, il est pas une tête super sexy, d'ailleurs il n'est pas une tête non sexy non plus, bref, il s'en foutait. L'image, elle passe pas par la photo, elle passe pas par la représentation, elle passe pas par des vidéos qu'on met sur YouTube. Et oui, rappelez-vous, on est au XXe siècle quand même. C'est celui qui va bâtir le 21e. Et on n'est pas du tout dans les paradigmes qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est intéressant de savoir que Sir John, même aujourd'hui, finalement, ne joue pas trop de ça, quoi. Quand bien même, il sait prendre plusieurs entités, notamment revenir sur son vrai personnage et peut-être un créateur plus conceptuel sous son propre nom, Anthony Child. Ça, je propose qu'on y revienne. Mais après avoir écouté ce fabuleux Basic Tonal Vocabulary, donc le premier de ce triptyque qui signera chez Trésor en 1997, c'est parti. Abidjan, mardi 14h55. 30 degrés, nuages passants, temps chaud. Jakarta, mardi 21h55. 30 degrés, partiellement couvert, nuit chaude. Bagdad, mardi 17h56. 31 degrés. Nuages fragmentés. Kuala Lumpur. Nuages passants. Urumqi. Temps clair. Thiruvananthapuram. Orage. Manama. Nuages passants. Lomé. Chaud. Phnom Penh. Nuages fragmentés. Riyad. 34 degrés. Dubaï. Ensoleillé. Khartoum. 17h. Extrêmement chaud. Médina. 38 degrés. Extrêmement chaud. Chennai. Mardi, 18h54, 33 degrés, nuages passants. Bamako. Mardi, 15h. 9 degrés. Ensoleillé, extrêmement chaud. Niamey. Mardi, 16h. -40 degrés. Nuages passants extrêmement chauds. comme à l'époque, 1997. Voilà, je me revois au Trésor. Je devais y être en 98, moi, avoir vu un show de Sir John là-bas. Ah, inutile de vous dire que, waouh, ça remplissait son espace. Bon, le Trésor, en plus, c'était quand même le club mythique de Berlin, parmi les clubs mythiques. Et là, waouh, au niveau du BPM, et non, pur et dur, d'un minimalisme comme ça, acerbe. Mais en même temps, ça laisse parler les émotions, ça cogne pas tout le temps, c'est absolument bien géré. Jusqu'à même cette gestion du temps qui est finalement un peu rare pour l'époque, puisque la plupart des maxi, et même ceux de Sir John à cette époque-là, font 6, voire 8 minutes. Or, sur cet album-là, aucun titre supérieur à 5 minutes, tout est autour de 4 minutes, et voire des morceaux interstitiels là, qui tiennent lieu d'introduction ou quoi que ce soit, qui eux durent quelques secondes ou une minute. Quoi. Et je trouve que c'est un parti pris relativement intéressant. Dans cet excès, il y a aussi énormément de retenue. Et là, chapeau l'artiste, parce que finalement, Anthony Child, c'est le vrai nom de Sir John, ça vous l'avez compris, finalement, est initié à des attitudes qui n'étaient pas si fréquentes que ça à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, elles vont le devenir après, puis que lui-même va finalement prolonger un petit peu ce qu'il avait fait. Je parlais donc de cet album, Basic Tonal Vocabulary, comme finalement la première pierre d'un triptyque qui verra 3 albums sortir coup sur coup, c'est chez Trésor. Donc le label et pas seulement la boîte. Croyez-moi, les 3 sont intéressants. Moi, j'ai même une faiblesse pour le 3e qui fait clairement le lien sur ce son allemand, sur ce son qui est déjà aussi en train de se faire avec Basic Channel, Morrison Oswald et toute cette équipe-là, avec des basses ultra profondes qui vont comme ça lorgner vers le dub, mais le tout électronifié à merveille, quoi. Donc il y a aussi chez Sir John cette intention, volontaire ou pas, de faire croiser 2 pages d'histoire. Ça a marqué des gens qui ne sont pas forcément dans le camp où on les attendait. En 2014, donc c'est quand même récemment, Sir John va ouvrir le bal pour Lady Gaga. Et je fais exprès de dire ça assez lentement parce que, voilà, Sir John, Lady Gaga, on ne s'y attend pas. On s'y attend pas et en même temps, il ne faut pas s'étonner. Lady Gaga dit elle-même, « It was important for us to present real techno. On not water it down. » Voilà, présenter la vraie techno et pas du pipi de chat. Donc, puis là-dessus, Lady Gaga, elle avait un petit peu appris de sa mentor Madonna et aller chercher effectivement le pur et dur pour valoriser une attitude qui dépasse largement le stade même de la personnalité d'une chanteuse ou d'une compositrice, mais rassembler comme ça quelque chose. Donc effectivement, c'est calculé, mais ça fédère. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est d'autant plus étonnant qu'au cœur des années 2000, Sir John, qui va d'ailleurs volontiers abandonner, quitte à le retrouver d'ailleurs, son pseudonyme de Sir John, pour son vrai nom Anthony Child, et qui va réserver à des projets un peu dubby, volontiers plus ambiantes, mais même aussi carrément expérimentaux. Ça va notamment être le cas, et ça c'est notoire, où Anthony Child, et sous le nom de Anthony Child, Experiment Drone 7 a été invité par le GRM, l'INA GRM, donc en France, à la Maison de la Radio, pour le bien nommé festival Présence électronique, c'était en 2018, à présenter justement cet Experimental Drone 7. Et tout est dit là-dedans, donc là, il ne faut pas s'attendre à entendre finalement du beat martelé ou quoi que ce soit. On est totalement dans l'esthétique drone. Mais on voit très bien qu'elle est jouée, elle est pensée comme un DJ, c'est-à-dire que quand bien même le beat disparaît, la pulsation est là. Et finalement, elle obéit aux mêmes fondamentaux qui ramènent évidemment à la trance et à la trance électronique la plus pure. Je vous propose justement qu'on se quitte avec ça. Il y a un extrait de ce concert, c'est quelque chose qu'on peut trouver en ligne, donc profitons-en. Et puis ma foi, parce que ça me fait très plaisir aussi, on sortira quand même avec un Sir John pur et dur, mais de l'époque actuelle, et pour le peu, un maxi de 2016, qui boucle la boucle, qui ne fait pas une deuxième révolution après la première, parce qu'après tout, il faisait partie des initiateurs un petit peu fabuleux et combattants de la première époque, et ben, ma foi, comme pas mal, il pourra vivre de son art, en se reposant plus ou moins sur des lauriers à partir des années 2010, mais tout ça avec bravoure, hein, si on reste dans l'image un petit peu combattante du truc. Donc merci d'avoir été comme ça, très très vigilant, péchu, voire chaotique dans ce cargo culte spécial techno pour lequel la technologie a failli chambouler toutes nos ambitions. Mais non, on y arrive, tout va bien. Vous avez passé une super après-midi d'ailleurs à l'écoute de Pinol, ça se passe à Mulhouse, ce sera techno, ce sera choucroute et ce sera tout ce qu'on peut imaginer entre les deux, donc forcément, ce sera bon. Merci de votre écoute, sur Jeune au GRM, puis sur Jeune en maxi, là qui déménage largement plus en 2016. C'est notre au revoir, on se retrouve la semaine prochaine et probablement pour quelque chose d'extrêmement électronica, mais alors volontiers expérimental, dans notre prochain Cargo Culte, et ce sera toujours samedi et ce sera toujours à 11h. À très vite. Thank you.